soir allume tes sirènes, c'est la croix qui tient les rênes. Ils vont voir toutes les couleurs dans toutes les patrouilles policières. Ce soir allume tes sirènes, c'est la croix qui tient les rênes. Ils vont voir toutes les couleurs dans toutes les patrouilles policières. Pour toutes les fois que nos mères ont pleuré sur la tombe des frères. Pour toutes les fois t'as fait le pervers avec nos sœurs. On encule le code pénal, ça restera dans les annales. Comme quand vous prendrez une corde comme un animal. Violence verbale, normal, ça vous parle mal. Mes faces vous laissent des traces ou des impacts. Remballe tes procès, ici t'es déjà en procès. Parce qu'il y a un Dieu et c'est le seul pour nous juger. On est vivant chez nos frères que t'as calé. Maintenant c'est à ton tour d'en baver et de faire caler. Tu crois que c'est bien quand t'as fermé pote. Goubi, Plata, le loup derrière c'est blanc. Il pète un cap gros, nos petits frères prennent la relève gros. Et dans nos blocs sont plus de clans et de haine gros. La prison s'arrange rien, ça fait qu'aggraver les faits. On voit tous les jours dans les unes des journaux. Les frères, on les nerfs à fleur de peau. Après tout ce temps passé en monde des beaux, ils pètent un plomb gros. Leur cerveau rempli de séquelles dans les semaines à venir, des histoires et des querelles. À mort les pauvres, qui contre le système cruel. Dans mon ghetto c'est le bordel, t'as trop faim, tout saute sel. Là où on chiffre, là où les chemins pètent une dérive. On va leur faire péter une bite, un homme violent tous les 5 minutes. Ils devraient prendre des pilules, comme ça pute, on t'en pute. Et c'est le but de ta balle, comme c'est pute, c'est fatal. Radar, quand tu prends la malle, et quand t'entends ce juste pute là, tu as pris une balle. T'es pas à l'abri des balles, car ici c'est pas bagarre. En gros des kamikazes entraînés sur le tas. On n'est pas là pour papoter, mais pour faire déporter des meutiers. Tu veux te faire regretter tous ces faits. T'es pas dans un compte de fées, mais dans la réalité. Ou un jour ou l'autre mon vieux, eh, faudra tout payer. T'as le choix entre la tarte soviétique et les chemises. C'est à peu près le même tarif, sauf que chez nous y'a pas de chérif. C'est du 130 chevaux traînés sur le périph. Surtout quand t'as affaire au grand banditis. 82 illicites, tu peux pas test comme les griffes. Efficace comme l'IGGN ou le fils. Mais c'est ton pas de fils, parce que je te jure ça va s'élire. Il faut plus voir des coups de feu comme à la CTT du chemin. Des kills, des buts, des flingues, du vice, c'est ça le rêve des jeunes du neuf de banlieue brûlée. Animal, voilà mon lieu de tir, voilà une inspire. Neuf de mort de France.